السلام عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم وحياكم الله en cette soirée du samedi 18 Shawwal Ibn Azza wa Jal 1429, ce qui concorde au 18 octobre Ibn Allah Azza wa Jal. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, je voudrais être rassuré qu'en montant sur le deuxième programme, sur Hada Isha et Ta'ala. Naam, Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'entendez? Je veux dire ici, pas sur le passage. Tayyib. Inch'Allah Ta'ala, nous sommes au 17e cours du deuxième tome. Du deuxième tome de l'Aqida al-Wasitiyya. Allah Azza wa Jalla nous a aidés et nous avons, bi'idhnillahi Ta'ala, terminé le premier tome. Nous sommes au 17e cours du deuxième tome, Bab, chapitre Fasl, Makanatu Ahli Sunnati wal Jama'a, Beina Firaq al Umma, Wattisafuhum bi al Wasatiyya. C'est-à-dire que Cheikh Islam, Rahmatullah, va parler ici de quelle est la place exactement de Al-Sunna et les gens de la Sunna et du consensus entre les différentes sectes. Et il va montrer bi'idhna azza wa jal avec toutes les preuves qu'ils sont le groupe du juste milieu, qu'ils sont tout à fait au milieu, ce ne sont pas des exagérateurs, ils sont tout à droite ou bien tout à gauche, mais ils sont bi'idhna azza wa jal tout à fait au milieu. Cheikh Islam rahimahullah a dit فهم وسط في باب الصفات، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. On va dire après on va expliquer. وهم وسط في أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحارورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله qui a expliqué ce livre بإذن عز وجل يعني d'une façon يعني بإذن الله presque parfaite, car la perfection n'appartient qu'à Allah عز وجل, نعم, a dit: en ce qui concerne les droits d'Allah Azza wa Jal, car il a divisé ici en expliquant, il a divisé cela, yani le juste milieu, il a divisé en 1, 2, 3, 4, en 4 petits sous-chapitres. Ahl-Sunnah, en ce qui concerne les droits d'Allah, Ahl-Sunnah, en ce qui concerne leur position, en ce qui concerne les messagers, Ahl-Sunnah, leur position dans les adorations, et Ahl-Sunna, leur position en ce qui concerne l'alimentation, et Ahl-Sunna, leur position en ce qui concerne la loi du talion, Fimekhus al-Qisas. Oui. Tu vois un peu la salle, tu vois un peu ce qui se passe dans le parto, car je suis dans notre programme, et suivant Inch'Allah Ta'ala. Oui. Fafi حق الله تعالى. En ce qui concerne la position de Ahl-Sunnah, en ce qui concerne les droits d'Allah Azza wa Jal, il a dit: كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق، وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به. الشيخ رحمه الله a dit, les juifs, dans leurs habitudes, c'est, ce fut, et ça sera toujours, d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala avec des défauts. Jamais, yani, ils ne disent d'Allah azza wa jal les choses qui sont parfaites. Mais toujours, ils disent de lui qu'il a des défauts. Ta'ala Allah amma yaqulu dhalimuna ulwan kabira. C'est pour ça qu'ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il avait deux mains, mais qu'elles étaient quoi? Qu'elles étaient attachées à son cou. Il est attaché. Allah Azza wa Jal a refuté cela. Il a dit, Rullat aydihim. Waqat al-Yahoud, Yadullahi maghloula. Allah Ta'ala a répondu, Rullat aydihim. Wa lu'inu bima qalu. Donc, c'est de leurs habitudes de dire que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a des défauts. Et c'est pour ça que, subhanallah al-Azim, ils le mettent à pied d'égalité avec ses créatures. Comme nous avons des défauts, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les juifs, a aussi des défauts. Alors que les chrétiens, dans leur aqidah, dans leur dogme, ils font tout à fait le contraire des juifs. C'est-à-dire, ils essayent de mettre la créature, les êtres humains, ils les mettent à pied d'égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ont dit de Isa alayhi salam, ils ont dit qu'ils étaient un dieu, subhanallah al-azim. Naam. Donc, ce qu'il y a entre la aqida des juifs et la aqida des chrétiens, c'est tout à fait l'opposé. C'est tout à fait l'opposé. Cela, c'est en ce qui concerne les droits d'Allah Azza wa Jal et ses noms et ses attributs. Deuxièmement, en ce qui concerne les messagers et les prophètes. كذبت اليهود عيسى ابن مريم وكفرت به وغالت النصارى فيه حتى جعلته إلها. Les juifs, en ce qui concerne les messagers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont renié que Isa alayhi salam soit un messager d'Allah Azza wa Jal. Naam. Ils ont dit que ce n'est pas un messager. Ils ont ils l'ont renié et ils ont même essayé de le tuer, de l'assassiner. Et jusqu'à présent, ils croient qu'ils l'ont tué, alors que Allah Azza wa Jal l'a élevé chez lui, comme c'est cité dans le Coran Bidna Azza wa Jal. Ça, c'est en ce qui concerne les juifs. Quant aux chrétiens, ils ont fait le contraire. Ils ont tellement exagéré dans leur soi-disant amour, dans leur soi-disant amour de ce messager, qu'ils ont fait de lui un dieu et qu'ils l'ont adoré à la place de Allah Azza wa Jal. Quant à cette umma, quant à cette nation, elle est au milieu bi'idhni Azza wa Jal. Elle croit en Jésus, yani Isa alayhi salam, sans dire de lui que c'est un message, sans dire de lui que c'est un dieu. Mais c'est toujours Abdullah wa Rasulullah. Maintenant, en ce qui concerne l'ibadat, et les adorations, vous allez voir quelle est la position des juifs, ensuite la position des chrétiens, ensuite vous allez voir la position des musulmans, ou bien spécialement de Al-Sunna ou Al-Jama'a bi'idhni Azza wa Jal. وفي العبادات النصارى يدينون الله عز وجل بعدم طهارة بمعنى أنهم لا يتطهرون من خبث يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. En ce qui concerne les adorations, les chrétiens adorent Allah عز وجل avec quoi ils l'adorent? Ils l'adorent avec le fait de ne pas se purifier, avec la souillure et la najasa. Ils adorent Allah Azza wa Jal avec la souillure et la najasa. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils vont par exemple aux toilettes, ils ne se purifient pas comme fait le musulman avec de l'eau. Ils ne se purifient pas. C'est pour ça que l'un d'eux, il urine par exemple, et si par exemple l'urine venait à, par exemple, tacher son pantalon par exemple, il la laisse comme ça. Hein, il laisse les taches comme ça, et il va à l'église, hein, pour, entre parenthèses, prétendre adorer Allah Azza wa Jal. Alors que son pantalon est plein de souillures, ce n'est pas la peine de parler de ses vêtements internes. Non. Quant aux juifs, ils font exactement le contraire. Ida asabatuhum an-najasa, si jamais une souillure les tache par exemple, fa innahum yuqridunaha min ath-thawb. Ils ne se suffisent pas à la laver, comme fait le musulman, mais non, ils déchirent l'endroit où il y a la tache. Non. Ils prennent le ciseau et ils déchirent l'endroit où il y a la tache. فَلَا يُطَهِرُهَا الْمَاءُ عِنْدَهُمْ. Chez les juifs, l'eau ne suffit pas. L'eau ne peut pas purifier, prétend-il. حَتَّى إِنَّهُمْ يَتَعَبْعَفُونَ حَتَّى إِنَّهُمْ يَبْتَعِدُونَ عَنِ الْحَائِضِ لَا يُؤَاكِلُونَهَا وَلَا يَجْتَمِعُونَ بِهَا. Tellement ils prétendent être purs, propres, et ils prétendent s'éloigner de la souillure, les juifs, au point où, lorsque la femme a ses menstrues, n'am, il ne s'assoit pas avec elle, il ne mange pas avec elle, il ne dort pas avec elle, n'am, il ne la côtoie pas dans la maison. Mais cette nation, la nation des musulmans, la nation de Al-Sunnah al-Jama'a, il se trouve dans le juste milieu. Ils disent, on n'accepte ni ce que font les chrétiens, hein, ni ce que font les juifs. C'est-à-dire, ni on ne fait la prière avec un pantalon taché de souillure, d'urine, ni on va déchirer nos vêtements à cause de quoi? À cause de la souillure. Mais بل يغسل غسلا حتى تزول النجاسة منه ويصلى به. Mais on lave seulement l'endroit où la souillure est tombée. Regardez, on lave pas tout le pantalon. On lave seulement l'endroit où il y a eu la tache. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière avec ce pantalon. وَلَا يَبْتَعِدُونَ عَنِ الْحَائِدِ. Et il ne s'éloigne pas, il ne fuit pas, la femme qui a les menstrues. بَلْ يُؤَكِلُونَهَا. Par contre, il mange avec elle, dans la même table, hein, dans la même assiette. وَيُبَشِرُهَا زُوجُهَا فِي غَيْرِ الْجِمَعِ. Et son mari fait avec elle tout ce que fait l'époux avec sa femme, sauf que il ne fait pas l'acte, il ne fait pas le rapport. Mais toute chose, il l'a fait quand elle est dans ses menstrues. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand sa femme, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, était dans ses menstrues, et qu'il mangeait avec elle, il choisissait l'endroit où elle avait mangé. Naam, l'endroit où elle avait mangé, et il mange de l'endroit, naam, où elle a mangé, ou bien il met ses lèvres sur le verre, sur l'endroit où elle vient de boire. Tellement il aimait sa femme, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'une femme qui a les menstrues, ce n'est pas une femme, hein, qu'on fuit d'elle, comme font les juifs, ou bien, et ce n'est pas aussi une femme avec laquelle on peut faire le rapport, comme font les chrétiens. Les chrétiens aiment la souillure, et ils font même le rapport avec leur femme quand elles ont les menstrues, et les juifs fuient la femme quand elle a des menstrues, ils ne s'assoient même pas avec elle, ils ne mangent même pas avec elle. Et l'islam, la religion du juste milieu, hein, on fait tout avec sa femme quand elle a des menstrues, sauf qu'on ne l'approche pas pour le rapport. Maintenant, ce qui concerne l'alimentation. Et la même chose en ce qui concerne les interdits de ce qui a rapport avec le manger et ce qui a rapport avec le boire. النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات. Les chrétiens, tout ce qui est haram dans le manger et tout ce qui est khabith et souillé, non, ils le mangent. Et c'est le Nasara. Et كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الأنعام 146 donc les chrétiens سبحان الله العظيم ils mangent tout ce qui est نعم tout ce qui est souillé tout ce qui est sale tout ils le mangent خبيث et les yahoud les juifs نعم ne mangent pas même des choses qui sont halal. Ils ont dit, ces choses ne se mangent pas. Beaucoup de choses qui sont halal, ils les ont interdites en eux-mêmes. Alors Allah Ta'ala, pour les châtier, les a quoi aussi? Les a aussi rendus illicites. Cette chose est halal, elle se mange. Vous ne voulez pas la manger, vous dites que ça ne se mange pas, vous connaissez mieux que moi le din, alors Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il la rend illicite pour les châtier. C'est pour ça qu'il a dit ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ جَزَيْنَهُمْ On les a châtiés بِبَغْيِهِمْ نعم وَإِنَا لَصَدِيقُ Quatrièmement ou bien cinquièmement, en ce qui concerne le qisas, en ce qui concerne la loi du talion. Vous connaissez le qisas? Quand quelqu'un, par exemple, tue quelqu'un, نعم, en islam, on a le droit de demander à ce que cette personne qui a tué, qu'elle soit tuée elle aussi. On a le droit de demander ça. Ça s'appelle la loi du talion. Non. En ce qui concerne la loi du talion, القصاص فرض عند اليهود والتسامح عن القصاص فرض عند النصارى. En ce qui concerne la loi du talion, l'islam te fait choisir. Il te dit, par exemple, si quelqu'un a tué, par exemple, ton fils, tu choisis. Ou bien tu dis au gouvernement de le tuer, ou bien tu prends par exemple une certaine somme, ce qui s'appelle dia, à la place de cela, ou bien tu lui pardonnes. C'est ça chez les musulmans. Chez les koufars, non. Chez les koufars, non. Chez les juifs, les yahouds, c'est obligé de le tuer. S'il a fait un crime, il est obligé de payer en le tuant. La loi du talion. Chez les chrétiens, tu es obligé de lui pardonner. C'est pour ça qu'ils disent la phrase célèbre, ils disent si jamais quelqu'un yani, te gifle sur ta joue droite, tu lui donnes la joue gauche. Yani, ça veut dire tu lui pardonnes. Ce n'est pas tu lui donnes la gifle. Mais l'islam, alhamdoulilah, est au milieu. Il te dit tu choisis. Naam, tu es libre. Tu veux que cette personne, naam, on la tue, elle sera tuée comme elle a tué. Tu veux prendre de l'argent à la place de cela, non? Tu prends de l'argent, la somme est dit. Tu veux lui pardonner, pardonne. Allah Azza wa Jal aime les pardonneurs. Donc vous voyez que cette nation, se trouve, alhamdoulilah, au milieu. Et ça veut dire au milieu, ça veut dire c'est la nation modérée. C'est la nation modérée. C'est pour cela, si tu veux savoir si tu es toi, de Ahl-Sunna ou le Jama'a ou tu ne l'es pas, regarde seulement si tu es modéré ou pas. Si tu te trouves au milieu, tu es min Ahl-Sunna ou Jama'a. Si tu te trouves tout à fait à droite ou bien tout à fait à gauche, tu es alors un exagérateur. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, halak al-mutanatti'un. Halak, ça veut dire ils sont dans la perdition. Ils vont perdre. Celui qui veut exagérer, il va perdre. Et tout, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. Tous ceux qui veulent exagérer en islam, dans la pratique, ils ne peuvent pas terminer leur chemin. Ils abandonnent vite, et vite, ils jettent tout. Ils jettent le djilbab, le niqab, les gants, et reviennent comme ils étaient ou elles étaient auparavant. A'oudou billah. Naam. Chez les frères aussi. Celui qui veut tout appliquer en un jour, la première semaine, et il exagère, il va tout jeter. Naam. Et il va raser sa barbe, jeter le khamis et tout jeter. Il ne veut pas aller petit à petit, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas aller doucement, il veut tout d'un coup. Non? C'est pour ça que les takfiriens et les khawarij, pourquoi ça ne dure pas longtemps chez eux, la foi elle, pourquoi? 2 mois, 3 mois après, ils jettent tout. Et il revient à la drogue, etc. parce qu'il veut exagérer, il veut montrer qu'il est le plus fort, qu'il a la foi plus que tout le monde, qu'il est le plus parfait, qu'il est ceci, le djihad, Allahu Akbar, le djihad, et voilà, il jette tout et il se trouve dans un bar. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Ce qui prouve que le sunna ou le jama'a sont tout à fait au milieu, sont toujours au milieu. Là, je profite pour dire, nam, je profite pour dire, pour que je n'oublie pas, il y a un hadith qui est très connu chez beaucoup de musulmans et qui disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce sens, ils disent khayrul umuri awsatuha. La meilleure des choses, c'est le milieu. Khayrul umuri awsatuha. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais ce hadith est très connu. Je voudrais juste, nam, que vous sachiez que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith n'est pas un hadith sahih, même s'il est très connu et que tout le monde yani, le dit. Ce n'est pas un hadith authentique. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le sens de ce hadith est vrai. C'est-à-dire que la meilleure des choses, c'est le milieu. Naam, son sens est vrai. Mais ses termes, le hadith lui-même, en ces termes, n'est pas vrai et le messager d'Allah ne l'a pas dit. Naam. Pourquoi la meilleure des choses, c'est son milieu? Car quand on est au milieu, on est préservé. Regardez, quand on a un bâton, le milieu du bâton, rien ne lui arrive. Mais les deux bouts, les deux extrémités, ou bien à droite ou bien à gauche, ça s'use. À force de mettre, à force qu'il touche le sol, on marche avec, ça s'use. Mais le milieu, il est toujours intact. Donc celui qui est au milieu, il est toujours préservé. Mais celui qui est tout à fait à droite ou tout à fait à gauche, il risque vite de dévier et de se trouver dans la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Je vais citer maintenant quelques versets que Cheikh Rahimahullah n'a pas cités dans ce livre et qui ont rapport avec le juste milieu. Regardez, lorsque il y a eu le dialogue entre Moussa alayhi salam et les juifs. Et il leur a dit, Qala, yani Allah Ta'ala, ils ont demandé, hein, vous connaissez l'histoire de la génisse, l'histoire de la vache, sur le Baqara. Ils ont fait la polémique, le djidel avec lui. Allah Ta'ala a dit, égorgez une vache, ikhlas, ça s'arrête là. Et ils ont commencé à poser des questions. Quelle vache, est-ce qu'elle doit être vieille ou bien vierge, de quelle couleur, etc. Alors Allah Azza wa Jal, naam, les a châtiés. Et lorsque Moussa alayhi salam leur a dit, que Allah Ta'ala a dit, قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. الله تعالى vous répond, hein, il veut savoir quel doit être son âge. الله تعالى vous répond que c'est une vache ni vieille ni vierge. عوان بين ذلك, mais au juste milieu. Faites ce que الله تعالى vous a demandé de faire. نعم. Donc الله تعالى qu'est-ce qu'il leur a dit au propos de la vache? نعم. Ni vieille ni vierge. Regardez, juste milieu. Une vache qui ne soit pas vieille, elle peut rien faire. Elle peut pas labourer, elle peut rien faire. Ni vierge. Hein, une vache de 3 mois, là, 4 mois, là, d'un an, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut rien faire aussi. Non. Donc, c'est le juste milieu. Et Allah Ta'ala, lorsqu'il a dit dans le Coran, sourate al-Furqan, il a dit وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Non. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au début à la Mecque, il faisait la prière, non, il y avait des compagnons qui étaient derrière lui, quelques ainsi tout, non, et les kuffars venaient derrière, et quand il lisait, il se moquait de lui. Quand il disait un verset, il se moquait et il riait. Allah Ta'ala fait descendre ce verset, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne récite pas à voix haute, c'est-à-dire pour que les kuffars, naam, ne trouvent pas ça, comment se moquer de toi. Naam, ne risque pas voir. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا Et n'abaisse pas ta voix trop. Car si tu l'abaisses trop, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont derrière toi, les sahaba, ils ne vont pas t'entendre pour faire la prière. وَبْتَرِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Mais cherche le milieu. Regardez, cherche le milieu. L'islam, la religion du milieu. Ne lève pas trop ta voix quand tu récites, ne descends pas trop ta voix. C'est toujours le milieu. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. Ne laisse pas ta main attachée à ton cou, c'est-à-dire par avarice. Quelqu'un qui ne veut pas dépenser, il attache sa main à son cou. Non, Allah Ta'ala dit, ne fais pas comme ça. Et en même temps, wala tabsuta kulul bast. Lakin, mais ne, c'est-à-dire si je puis dire, n'étends pas ta main. Non, n'étends pas ta main trop. Sinon, tu vas, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas tout donner ce que tu as, bien sûr, ensuite c'est toi-même qui deviendras pauvre et qui aura besoin de tendre ta main. Alors qu'en islam, on ne tend pas sa main, sauf si on est vraiment dans la daroura. Donc c'est quoi? C'est le juste milieu. L'islam, la religion du juste milieu. Et enfin, Allah Ta'ala a dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Surat Furqan. Allah Ta'ala a dit, et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, c'est-à-dire ils ne gaspillent pas, ni avares, وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Mais ils sont dans le juste milieu. Là, il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent à dépenser, ils gaspillent tout. Et il y a d'autres qui ne dépensent rien au point où eux-mêmes, non, ils ont besoin des choses, ils ne les achètent pas. De quoi se nourrir, ils ne veulent pas se nourrir. Il est avare tellement il a peur de dépenser son argent. Et l'islam, qu'est-ce qu'il te dit? D'être au milieu. Non, d'être au milieu. Maintenant, Cheikh Rahimahullah va passer à une chose la plus importante en citant. نعم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة أصول en citant cinq grandes, si je puis dire, grandes règles, نعم, pour montrer, نعم, la position de Al-Sunnah al-Jama'a et montrer la position des juifs et la position des chrétiens pour ne pas, pour se démarquer de, si je puis dire, نعم, pour se démarquer de بإذن الله عز وجل. الأصل الأول باب الأسماء والصفات. Quelle est la position de Al-Sunnah ou Jama'a dans les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Et ça, bien sûr, c'est très, très, très, très, très important. Bi'illah Azza wa Jal. Le Cheikh Rahimahullah a dit « Hadani tarafani mutatarrifani ahlu ta'tili al-jahmiya wa ahlu tamthili al-mushabbiha. » Il a dit « En ce qui concerne les noms d'Allah Azza wa Jal, non, en ce qui concerne les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, on va trouver aussi les deux extrêmes. Vous allez voir que Al-Sunnah sont au milieu. Quels sont les deux extrêmes? Ahlu ta'tili al-jahmiya. Les négateurs, d'un côté, les négateurs. Ceux qui disent que on ne doit pas attribuer à Allah Azza wa Jal des attributs. Les négateurs. Et de l'autre, on aura qui, hein, tout à fait à l'opposé, on aura les anthropomorphistes, mushabbiha, ceux qui disent Allah Ta'ala ressemble à ses créatures, ou bien les créatures ressemblent à Allah Azza wa Jal. Al-Sunnah se trouve au milieu. Comment cela? Regardez les Jahmites, les Jahmiya, qui sont bien sûr les élèves de Jahm ibn Safwan, yunkiruna sifat Allah Azza wa Jal, disent que Allah Ta'ala n'a pas d'attribut. Pire encore, roulatuhum yunkirun al-asma. Yani, les exagérateurs, les jahmites, ils renient aussi, non seulement les attributs, mais aussi les noms. Asma Allah Azza wa Jal. Wa yakulun, la yajuzu an nuthbita lillahi isman wa la sifa. Et ils disent, on n'a pas le droit de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut ou bien a un nom. Pourquoi? Liannaka idha athbatta lahu isman, شبهته بالمسميات وإذا أثبت له صفة شبهته بالموصوفات. Parce que si tu dis qu'Allah Ta'ala a un nom, ça veut dire que tu l'as ressemblé aux créatures qui ont des noms. Et si tu dis qu'Allah Ta'ala a un attribut, par exemple il est beau, par exemple il est le plus grand, tu l'as fait ressembler, n'am, aux créatures qui ont quoi, qui ont les mêmes descriptions. إذن لا نثبت اسما ولا صفة. Donc d'après eux, d'après les Jahmites, yani la l'hal, comment on dit l'hal en français, la solution serait de ne pas affirmer à Allah Azza wa Jal ni un nom ni un attribut. وأما ما أضاف الله تعالى إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمية بهذه الأسماء. Et ils disent que tous les noms qu'on trouve, Allah Ta'ala, yani, c'est nommé avec, comme le plus grand, le beau, le rafour, le rahim, le wadoud, tout cela, ils disent, ce sont des noms au sens figuré. Naam, ce n'est pas ce que vous comprenez, vous. Naam, il dit non, ça a un autre sens. C'est le sens figuré. C'est comme lorsqu'on dit, par exemple, j'ai vu un lion. J'ai vu un lion sur le mimbar. Le lion, il ne rentre pas dans la mosquée, il ne monte pas le mimbar. Ça veut dire j'ai vu quelqu'un de courageux parler sur le mimbar avec courage, etc. Non. Ils disent c'est le sens figuré. طيب. والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. Donc on a vu que les Jahmites disent que quoi? Allah Ta'ala n'a pas d'attributs et certains n'a pas de nom. N'a pas d'attribut et certains d'eux disent Allah Ta'ala n'a même pas de nom. Allah Ta'ala n'a même pas de nom. Quant aux Mu'tazilites, ils disent que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas d'attribut mais a seulement les noms. Allah Ta'ala n'a pas d'attribut mais a seulement de noms. C'est-à-dire, d'après le Mu'tazili, et comment savoir que quelqu'un s'il est Mu'tazili ou il n'est pas. Le Mu'tazili, il te dit tu n'as pas de droit de dire par exemple que Allah Ta'ala a la rahma, la miséricorde. Tu n'as pas le droit. Naam. N'importe quel attribut, tu n'as pas le droit de dire que Allah Ta'ala Allah. Mais tu dis le nom seulement. Rahim, Rafour, Wadud, Shakur. Les noms seulement. Mais tu dis pas Rahma, Al-Maghfira, Al-Mahabba, Naam, Al-Dahik. Les attributs, Allah Azza wa Jalla n'en a pas. D'après eux, mais il a seulement les noms. Ensuite viennent l'Asha'ira. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? يثبتون الأسماء سبعا من صفات. Ils disent Allah Ta'ala a les noms. Quant aux quoi? Quant aux attributs, il n'en a que sept. Les sept, on les a cités plusieurs fois. Naam. Donc tout cela, ce qu'on vient de citer, يشملهم اسم التعطيل. Ce sont des négateurs. Tout cela, ce sont des négateurs. Et les plus grands négateurs qui existent de nos jours, bien sûr, ce sont les Habesh. Habesh qui sont là avec nous dans le patron du matin au soir, maintenant ils ouvrent 24 sur 24, naam, les négateurs, qui disent quoi? Qui disent que Allah Ta'ala, naam, ils disent comme ça, ils disent toute personne qui dit que Allah Ta'ala a un attribut, ça veut dire qu'il a fait ressembler Allah à sa créature, donc il est devenu kafir. On n'a pas le droit de dire que Allah Ta'ala il rit, ou là il descend, ou là ceci ou là cela, on n'a pas le droit. Naam, pourquoi sinon? Tu l'as fait, oui, à ses créatures. Car c'est Allah Ta'ala, car c'est la personne qui rit, c'est la personne qui parle, c'est la personne qui descend, c'est la personne ceci. Non? Tu dis que Allah Ta'ala a deux mains, il te dit c'est très grave. Car tu l'as fait ressembler à l'être humain, c'est lui qui a deux mains, tu l'as fait ressembler, je ne sais pas à qui, au singe, il a deux mains, et comme ça. Tu dis Allah Ta'ala rit, il te dit ça ne peut pas se faire. Car c'est la personne, les créatures qui rient, pas Allah Azza wa Jal. Et comme ça, et ils te collent une étiquette, ils vont te dire tu es un anthropomorphiste. Tu as fait ressembler Allah Ta'ala à ces créatures. Et à cela on dit, A antum a'lamu amillah. Est-ce que vous connaissez le din mieux que Allah Azza wa Jal qui a fait descendre ce din? Est-ce que vous connaissez le din mieux que son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Allah Ta'ala rit, qui dit que Allah Ta'ala s'étonne, qui dit que Allah Ta'ala descend, qui dit que Allah Ta'ala a deux yeux, qui dit que Allah Ta'ala a la jambe, qui dit que Allah Ta'ala a les deux mains, naam, qui dit que Allah Ta'ala a le tibia, yani vous connaissez Allah Azza wa Jal mieux que le messager d'Allah? Donc, d'après les Ahbash, si le messager d'Allah Ta'ala était vivant, il aurait essayé de le corriger et de lui dire Taqillah, parce que tu dis des choses qui ne se disent pas. Allah Azza wa Jalla nous en préserve des Habesh qui essayent de dévier les musulmans du vrai sentier d'Allah Azza wa Jalla pour les égarer. Allah Azza wa Jalla nous préserve. Allah Ta'ala n'a pas cet attribut. Allah Ta'ala ne descend pas. Allah Ta'ala n'a pas la main. comprend les Habash et les négateurs. Et en même temps, ils ne vont pas de l'autre côté, c'est-à-dire ils ne le font pas ressembler. Ils ne disent pas il a une main comme notre main, il a des pieds comme nos pieds, il rit comme on rit, il descend comme on descend. Mais ils sont au milieu. Ils affirment ce que Allah a affirmé et ce que son messager a affirmé de lui sans le faire ressembler. Sans le faire ressembler. Naam, je reconnais qu'il a deux mains, mais pas comme les mains des créatures. Rien ne lui ressemble. Je reconnais qu'il rit, pas d'un rire comme le nôtre. Le nôtre, il faut la bouche, les lèvres, les dents, etc. pour rire. Allah Ta'ala n'a pas besoin de cela. Allah Ta'ala s'étonne d'un étonnement qui n'est pas comme l'étonnement des créatures. Et comme ça, dans tous les attributs, naam, on les affirme, on ne nie pas, on les affirme, sans jamais quoi, sans jamais le ressembler. Naam. C'est ça, Al-Sunnah al-Jama'a, ils sont au milieu, bi-idhnillahi azza wa jalla. Naam. Tayyib. Hada c'est l'asl al-awwal. Ça c'est l'asl al-awwal. Il n'a pas ici terminé, il a ajouté quelque chose, je vais rajouter ici. Naam. Il a dit, Cheikh Rahimahullah, n'a-khoudh Al-Sunnah al-Jama'a. قالوا السنة والجماعة ليجون دو لا سنة دو كونسونسيس اون دي نحن ناخذ بالحق الذي مع الجانبين نو اون برون دو لا فيريتي كي سو تروف شي لي دو كون نعم لي دو كون سون دي لي زيك سون دون لي اكستريم نو اون برون دو سو كون لا فيريتي كي لا اي دو لوتر كون اوبوزي لا فيريتي كي لا كي لا اي اون اي او ميليو افيك دو فيريتي اون اي او ميليو افيك دو فيريتي نعم فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل نحن نثبت ولكن بدون تمثيل فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا والخلاصة هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين طائفتين بين طائفتين غالت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من جهمي وغيرهم وطائفة غالت في الإثبات وهم ممثلين donc elles sont au jamais se trouvent entre au milieu entre deux sectes en perdition la première secte qui dit que Allah Ta'ala il faut pas le décrire avec les attributs et la deuxième secte son opposée qui non seulement le décrit mais le fait ressembler à qui à ses créatures. C'est pour ça que Al-Sunnah al-Jama'a disent celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas de main est devenu kafir. Et celui qui dit que Allah Ta'ala a deux mains comme mes deux mains, comme nos deux mains, il est devenu kafir. Donc tu dois rester au milieu. Allah Ta'ala a deux mains qui lui conviennent, pas comme nos mains. Chef, comment tu restes au milieu? Tu restes au milieu. Tu dis Allah Ta'ala n'a pas de main, tu es devenu kafir. Le Coran est plein de versets où il cite les mains. Tu dis Allah Ta'ala a deux mains, comme mes mains, tu es devenu kafir, anthropomorphiste. Non, tu l'as fait ressembler aux mains, tu as fait ressembler ses mains aux mains des créatures. Tu restes au milieu, tu dis il a deux mains, mais qui ne ressemblent pas aux mains des créatures. De belles mains, très belles mains, qui conviennent à Allah Azza wa Jal. Car comme lui, Azza wa Jal, ne ressemble à personne, non, aucun attribut de lui aussi, ni ses mains, ni ses deux jambes, ni, non, ne ressemble à qui? À ses créatures. C'est ça, la règle bi idhnillahi Azza wa Jal. Cela, comme j'ai dit, c'est l'asl al-awwal. L'asl al-awwal, en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne l'asma ou sifat. Je vais terminer avec l'asl thani, en ce qui concerne les actes. Maintenant, en ce qui concerne l'af'al al-ibad. Fi bab al-qadr inqasama an-nas ila thalathati aqsam. En ce qui concerne les actes des serviteurs, et en ce qui concerne exactement le destin et la prédestination, le qada ou le qadr, les gens se sont divisés en trois sectes. La première secte, amanu bi qadarillah azza wa jalla. وغالوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره. La première secte qui se trouve bien sûr dans les extrêmes et qui est égarée bien sûr, elle a exagéré dans le fait d'affirmer le destin et de dire qu'il existe le destin, yani tout est inscrit, tout est inscrit. Nous, bien sûr, on dit que tout est inscrit. Allah Ta'ala a tout inscrit dans la tablette préservée 50 000 ans avant de créer le monde. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tellement il a tout inscrit que quoi? Que l'être humain ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est Allah Ta'ala qui le fait. Vous comprenez? Il dit tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Allah Ta'ala qui nous force à le faire. En d'autres termes, ils disent par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool, hein, il ne faut pas le blâmer. Car c'est Allah Ta'ala qui a écrit que cette personne doit boire de l'alcool. Hein, et comme ça. Si une personne vole, pas la blâmer. Pourquoi? C'était écrit, il y a 50 000 ans, c'est écrit qu'elle allait voler. Pourquoi tu blâmes quelqu'un que Allah Ta'ala a écrit sur lui et l'a forcé à voler? Il ne faut pas le blâmer. Non. Et certains de cette secte ont exagéré au point de dire que tout ce que yani, on voit autour de nous, non, c'est Allah Ta'ala. Non. Et c'est une secte bien sûr très connue qui s'appelle l'Ittihadiyya, une secte de Mouhidine ibn Arabi, que les Habash aiment et vénèrent. Ils disent Masha'Allah, Mouhidine ibn Arabi, alors que Al-Sunnah disent il est kafir. Et les Habash disent, Masha'Allah, c'est pas un kafir, c'est un allié d'Allah Azzawajal, c'est un allié. Non. Je disais, ils disent que tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Allah. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Allah. C'est pour ça que, même quand ils voyaient un chien passer, ils faisaient la prosternation, en disant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal nous préserve. Donc, celle-là, c'est la première secte. La première secte. Qui dit quoi? Qui dit que non, tout ce que fait l'être humain, c'est quoi? C'est Allah Ta'ala qui l'a forcé à ce qu'il le fasse. Ensuite vient la deuxième secte, qui est tout à fait contraire à la première. Allô, inna l'abda mustaqillun bi nafsihi, wa laysa lillahi fihi mashi'atun wa la taqdir. Hatta ghala ba'duhum fa qala inna Allah la ya'lamu fi'l al-'abd idha إلا إذا فعله أما قبل فلا يعلم عنه شيئا وهؤلاء هم القدرية مجوس هذه الأمة. La deuxième secte qui s'appelle Qadariya, pourquoi on l'appelle Qadariya? Parce que تنفي القدر, elle renie le قدر, on l'a appelé Qadariya. Cette deuxième secte qui est dans l'égarement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit exactement l'opposé de la première. Cette secte dit que tout ce que l'être humain fait, c'est de lui-même. Allah Ta'ala, hein, yani, ce qu'on fait nous n'a aucune relation avec la volonté d'Allah Azzawajal. Non. C'est-à-dire, ils disent, pour que vous compreniez mieux, même si Allah Ta'ala ne veut pas une chose, et l'être humain veut la faire, il la fait. Même si Allah ne veut pas que tu écoutes ce dars aujourd'hui, et toi tu veux l'écouter, tu vas l'écouter. Allah Ta'ala nous préserve de cette secte. Non. C'est pour ça que le messager d'Allah les a appelés dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, dans Sahih Al-Jami', il a dit le Qadariya, Majus ou Hadil Umma. Il a dit ce sont les Majus. Les Qadarites, ce sont les Majus, les Mazdiens de cette nation. Et il a dit s'ils meurent, ne suivez pas leur janaza. Et s'ils tombent malades, n'allez pas leur rendre visite. Hadith authentique. Naam. Et certains d'eux ont exagéré au point où ils ont dit que même Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que va faire l'être humain jusqu'à ce qu'il fasse la chose. Vous voyez comment la bid'a attire vers une autre bid'a. Ils ont dit que toi par exemple, avant de manger, Allah ta'ala ne sait pas. Jusqu'à ce que tu manges, alors il va écrire que voilà, X vient de manger. Il ne savait pas que tu allais manger. Et quand tu as mangé, il ne savait pas aussi ce que tu allais manger. Ensuite, il va dire, ah bon, hein, elle a mangé une pomme. Alors, je vais écrire, elle a mangé une pomme. Elle a mangé ceci. Astaghfirullah, naam. Ça, parmi les musulmans qui disent ça. Allah Ta'ala nous préserve. Pourquoi? Ils n'ont pas appris la aqida. Ils n'ont pas suivi qui? La aqida des salafs. Ils ont suivi la aqida des qadaris, des jahmis, des mu'tazila, des naam. Et ils ont dévié. Et reste la troisième, le troisième groupe, c'est qui? Ahlus Sunna wal Jama'a. Ahlus Sunna wal Jama'a. Allah Ta'ala Azza wa Jal nous fasse deux. Que disent Ahlus Sunna wal Jama'a ici dans le destin, la prédestinée? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Nahnu na'khudh bil haqq alladhi ma'al janibayn. Nous, on va prendre avec la vérité qui se trouve chez les deux sectes, chez les deux sectes opposées. Fanaqul, qu'est-ce qu'on dit? Naqul inna fi'l al-'abd waqi'un bi mashi'ati Allah wa khalqihi. On dit tout ce que fait l'être humain est conditionné par la volonté d'Allah et la création d'Allah. Tout ce que fait. D'ailleurs, vous connaissez le verset وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Tout le monde connaît ce verset. Ils disent, Al-Sunna disent toujours وَلَا يُمْكِنْ أَن يَكُونَ فِي مُلْكِ اللَّهِ مَا لَا يَشَاءُ أَبَدًا. Ils disent, c'est impossible que une chose puisse exister dans ce monde si Allah Ta'ala n'a pas voulu que cette chose existe. Règle générale. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَا يَكُونَ وَلَا لَمْ يَكُونَ. Règle générale chez Al-Sunna al-Jama'a, il est impossible qu'une chose puisse exister ou avoir lieu dans cet univers si Allah Ta'ala n'a pas voulu qu'elle existe. Soit que cette chose, soit qu'elle soit bien ou qu'elle soit un péché. Non. Personne ne peut tuer quelqu'un si Allah ne veut pas. Personne ne peut boire l'alcool si Allah ne veut pas. Personne ne peut faire la zina si Allah ne veut pas. Personne ne peut faire la prière si Allah ne veut pas. Personne ne peut jeûner si Allah ne veut pas. Avec, bien sûr, avec la grande remarque quoi? Que la volonté d'Allah se divise en deux. Volonté universelle et volonté juridique. Quand quelqu'un boit de l'alcool, c'est Allah Ta'ala qui a voulu. Mais d'une volonté comment? Universelle. Parce que Allah Ta'ala n'aime pas celui qui boit l'alcool. D'ailleurs, il nous a demandé de le frapper. On le frappe 40 coups. Donc, ça se voit que Allah Ta'ala n'aime pas. Et celui qui fait la zina, Allah Ta'ala n'aime pas que la personne fasse la zina. Il nous a dit d'ailleurs de le fouetter et de le même lapider jusqu'à la mort s'il est marié. Mais Allah Ta'ala a voulu que ça se passe d'une volonté universelle. Ceux qui ont assisté au Doro, ça fait une année ou les deux, ils connaissent ça, c'est pas la peine de revenir marcher rien. Un mohim. Un soudain au Jama'a disent quoi? Disent que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais en même temps, toute personne a une volonté. Non, toute personne a une volonté. C'est pour ça que Al-Sunna al-Jama'a font la différence entre les choses que l'être humain fait de sa volonté et les choses que l'être humain fait sans qu'il le veuille. Je donne un exemple. Maintenant, je suis assis, je choisis. Je dis, je vais boire de l'eau. Ou bien je vais boire un jus de fruits, ou bien je ne vais pas boire du tout. Je suis libre, je choisis. Donc le fait de boire de l'eau, du jus de fruits, ou de ne pas boire, ça dépend de ma volonté. Ça. Et il y a des choses qui ne sont pas du ressort de ma volonté. Exemple, quand j'ai la fièvre, est-ce que c'est moi qui ai fait venir la fièvre? Elle est venue, c'est Allah Ta'ala, c'est pas moi. Moi, je peux faire venir la fièvre, je peux pas. Ensuite, quand elle vient et je commence à trembler, est-ce que je peux m'arrêter? Je ne peux pas. Je sens mes dents qui sont en train de trembler, mes doigts en train de trembler. Ce n'est pas moi. C'est plus fort que moi. Donc ça montre que ça me dépasse. Naam. Et je commence à suer. Naam. Maintenant, je commence à avoir sommeil et je vais dormir. Ça ne vient pas de moi. Ça me dépasse. J'essaie de me retenir, je ne peux pas. Je dors. La même chose pour aller aux toilettes. La même chose pour mourir. Quelqu'un qui peut ne pas mourir, il ne peut pas, ça le dépasse. Al-Sunna al-Jama'a, donc ils sont au milieu, ils disent quoi? Ils disent, tout ce que fait l'être humain, certes c'est lui qui le fait, bien sûr, s'il n'est pas fou, s'il est raisonnable, s'il a une volonté, s'il n'est pas forcé, on ne lui a pas mis le revolver sur la tempe, tout ce que fait l'être humain, c'est lui qui le fait. Mais il ne fait que ce qui concorde avec la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Si Allah Ta'ala n'avait pas écrit que tu allais boire le jus d'orange, hein, même si toi tu veux le boire, tu ne pourras pas le boire. Mais toi tu as fait quelque chose, hein, tu es tu as mis l'intention dans ton cœur pour le boire, tu t'es levé, tu as ouvert le frigo, tu as pris le verre et tu as bu. Et si Allah Ta'ala a écrit que ce verre tu vas le boire, certes tu vas le boire. Sinon, quand tu vas le mettre tu vas rapprocher de toi le verre, il va tomber par terre et tu vas dire Qaddar Allah, je voulais boire, c'était le dernier verre, il est tombé. Pourquoi? C'était pas écrit. Non, c'était pas écrit. Voilà ce que disait Rasulullah Jama. Reste une chose. Si les gens disent Kayfa takunu khalqan lillah wa hiya fi'lul insan. Non. Kayfa takunu? Parce que Cheikh a dit af'alul ibad bi'ikhtiyarihim. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmo a dit tout ce que font les gens, les actes des gens, c'est d'après leur choix, ce sont eux qui font les choses, non, et leur volonté. Et malgré cela, ils ne font que ce que Allah Azzawajal a voulu. Donc si quelqu'un va dire, comment d'un côté vous dites que ce sont les créatures, les hommes qui font la chose, et en même temps vous dites que c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. C'est Allah qui a créé cette chose, non, cette volonté pour que les gens fassent. Le jawab, أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل ولو شاء الله عز وجل لسلبك القدرة فلم تستطع ولو أن أحدا قادرا لم يريد فعلا لم يقع الفعل منه نعم دونك شيخ الله رحمه غيبون إلا دي أفعال العباد نعم tout ce que font les gens ça découle d'une volonté parce qu'il a voulu faire et d'une puissance et il peut. Il a voulu, il peut. Il a voulu boire le jus et il peut. Il n'est pas paralysé. Il peut se lever et aller boire. Non. Donc tout ce que fait l'être humain découle d'une volonté et d'une puissance. Mais qui t'a donné la volonté? Qui a créé en toi la volonté? En ton cœur, en ton esprit. Qui a créé ça? C'est Allah Azza wa Jalla. Et qui t'a aidé? Volonté et être impuissant. Avoir les pieds amputés. Paralysés. Qui t'a aidé pour te lever à aller vers le frigo pour boire? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, tu fais les gestes, hein, aller de la chambre vers le frigo pour boire, mais Allah ta'ala a créé en toi quoi? A créé en toi le qudra, t'a donné la puissance, hein, pour pouvoir te lever et aller et boire. Voilà, inshallah ta'ala, en ce qui concerne le das d'aujourd'hui, hein, on va passer, inshallah ta'ala, directement aux questions-réponses. C'est pas la peine de vous dire que les questions dans la aqida ne doivent les questions dans le dars dans la aqida ne doivent être que dans la aqida ou bien ce qui a rapport avec le dars en particulier ou bien la aqida en général. Attendez une seconde, je vais voir quel est le nombre dans le Aisha Ittihada pour voir comment on va départager les questions inchallah ta'ala. Une seconde, juste pour que je vois le nombre inchallah ta'ala. On va voir comment on va faire. Donc, on est 31. Ouais, non. Il y a 31 personnes dans le Hishaïter. 31 personnes. Et dans le Pasok, attendez, je vais voir. Dans le Pasok, il y a 144. Le Rorab, tu as écrit 04. Je n'ai pas compris. Il y a 4 personnes. Voyez. Alors, si je vois bien, dans le patron, il y a 144 et dans l'autre, il y a 30. C'est-à-dire, combien de fois moins? Combien de fois moins? On voit ceux qui lèvent la main. Ça, on voit ceux qui lèvent la main. Attendez une seconde. On voit combien il y a qui lèvent la main ici et là-bas. Attendez une seconde. Très rapidement. Dans le Isha Terada, il y a seulement 5. Il y a 5 qui ont levé la main. Et dans l'autre, il y a beaucoup. Donc, Inch'Allah Ta'ala, après qu'on passe 3 personnes dans le patok, on passe une dans l'autre. Fadlan Inch'Allah. Bismillahirrahman Rahim. Abda. Donc, j'arrête pour le dars. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques minutes. C'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous revoilà inshallah ta'ala de nouveau en ce samedi 18. le samedi 18 Chouan 1428 de l'Égypte, qui concorde avec le 18 octobre Ibn 2008. Inch'Allah ta'ala, on passe à la première question d'Ibn Azzawajal. Tafadhal نعم أنصارية نعم تفضل أنصارية سلفية Salam alaikum. Chère Anifa, elle était la première de la liste, elle a eu une déconnexion il y a quelques secondes, donc enfin il y a quelques minutes, Inch'Allah, je vais poser sa question puisque elle me l'avait envoyée avant d'être déconnectée. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Chère, avec du dhikr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kima sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. On nous invite à transmettre ce message et gagner ainsi des hasanat. Est-ce le cas? Je répète la question, Inch'Allah. Je reçois des emails avec du dhikr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kima sallaita Ala Ibrahim, on nous invite à transmettre ce genre de message et gagner ainsi des hasanet dans les mails. Est-ce le cas? Est-ce que si on transmet ce genre de message à tous nos contacts, on gagne des hasanet? En fait, le but des gens qui envoient ce mail, c'est de le faire tourner au maximum. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam. Cette chose, inshallah ta'ala, naam, n'a aucun. Comment dirais-je? Aucune base dans la charia. Dans la charia, chacun fait ses choses de lui-même. Car si on commence à faire comme ça, si maintenant on ne transmet pas, certaines personnes vont trouver dans son cœur que je n'ai pas fait cette chose, je n'ai pas transmis, donc j'ai des péchés, donc ceci. Tout cela n'est pas vrai. Si tu es dans un endroit où quelqu'un te parle, je dis par exemple, on m'a dit Allah Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, c'est écrit, Inna Allah wa malaikatahu, yusalluna ala nabi, Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu muslima. Ici, on t'a demandé de faire la prière sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais écrire comme ça des choses et dire, il faut transmettre ça, hein, et surtout si on dit, si je ne transmets pas, il va t'arriver ceci ou cela, tout ça, ça peut rentrer dans la bid'ah, comme la feuille célèbre, hein, que toutes les années elle revient, comme quoi elle vient du Cheikh Ahmed de la Mecque, et cette feuille, celui qui ne fait pas 10 fois photocopie, hein, s'il travaille, il va être licencié, il va avoir des problèmes, il risque de mourir, s'il ne transmet pas 10 fois, il risque d'avoir une maladie dangereuse, hein, et s'il le fait, il va avoir des hasanat, il va s'enrichir, tout ça, on l'a montré plusieurs fois, ça rentre dans la bid'ah. Donc que chacun fasse la salat sur le messager d'Allah de lui-même, c'est pas on nous pousse à la faire et à la transmettre. Wallah azza wa jal a'lam. Tafaddal inshallah, deuxième question. En Syria Toun Salafia, vous pouvez poser votre question inshallah. En Syria. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh ya shihana. Hafidakum Allah azza wa jal. Voici ma question. Donc je rappelle, barakallahu fikoum, de préparer vos questions à l'avance ou bien de les envoyer aux administrateurs pour qu'ils puissent les poster. Tout cela dans le but de pape. Tapez numéro 1, Inch'Allah, quand vos questions sont finies aussi, Inch'Allah. L'éminent Shir Mohamed Ibn Abdel Wahhab, rahimuallah, dans son livre Al-Kawa'id Al-Abra, mentionne, lorsqu'il explique la seconde règle, deux types d'intercession. L'intercession niée et l'intercession confirmée. Je souhaiterais, bi'idnillah azza wa jal, que vous m'expliquiez avec davantage de précision ces deux types d'intercession afin que je puisse en saisir le sens. Ahsanallah alaykoum, shir, qu'Allah accroît vos connaissances et que le firdaous vous soit accordé. Un grand salam à votre épouse, hafidullah. Wassalamu alaikum. Wa J'ai dit wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et reçois aussi le salam de mon épouse Bidna Azzawajal. Tayyib. Quant à la différence entre les deux intercessions, je n'ai pas compris la question en français. Non, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais lu ce qu'on appelle ici nier. Et l'autre, c'est quoi nier, l'autre, attendez, je vais la voir. Confirmer. Non. Si c'était en arabe, si quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'elle veut dire en arabe, je répondrai. Mais en français, je n'ai jamais lu ces deux choses. Inch'Allah ta'ala. Alors, on passe à la troisième question et je demande à Ansaria de ou bien de m'expliquer en arabe ou bien de reposer une autre question. Fadal Inch'Allah. Naam, Ammar de Médine est avec nous. Ahlan wa sahlan bika. Il a dit c'est l'intercession Minfiya et Muthbata. Naam, maintenant Inch'Allah ta'ala, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Jazakallahu khairan, akhana al-karim. Alors je dis à ma soeur et à tout le monde bien sûr, l'intercession il y a deux sortes. Il y a des intercessions que Allah Ta'ala a niées. Il a dit ce n'est pas vrai. Par exemple, comme certains gens de nos jours croient que s'ils vont dans les tombes, etc., ces gens de la tombe vont leur faire l'intercession. Naam. Et comme certains croient par exemple que naam, tel et tel wali va faire l'intercession. Certains croient que les djinns vont faire l'intercession. Certains croient que par exemple les anges font l'intercession. Et comme ça, Allah Azza wa Jalla a nié. Naam. Inna alladhina tad'un la comme dit Allah Ta'ala la yasma'u du'a'akum wa law sami'u ma istajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Donc Allah Ta'ala a montré dans plusieurs versets que il y a plusieurs intercessions qui sont niées. Ce sont les intercessions qui n'ont pas de délit. C'est des gens comme ça, ils disent d'eux-mêmes. Il a comme ça de sa tête, il a entendu les gens parler que cette personne va faire l'intercession. Alors il commence à l'adorer, à tourner autour de sa tombe, etc. Alors c'est une intercession niée, une fille qui n'a pas de base et qui n'est pas vraie. Et l'autre intercession confirmée, c'est l'intercession qui a un délit, où il y a un verset ou un hadith sahih qui dit que telle personne, par exemple, va faire l'intercession. Quand, par exemple, on sait qu'il y a l'intercession d'Allah. On sait qu'il y a 5 intercessions du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il y a l'intercession des enfants qui sont morts à bas âge. Naam. On sait qu'il y a l'intercession des croyants. Et on sait qu'il y a l'intercession des martyrs. Ce sont les intercessions confirmées par Ibn Azzawajal pour savoir qu'il y a donc des intercessions qui ne sont pas vraies, des intercessions qui sont vraies. Inch'Allah Ta'ala, voici la réponse bi'idhna azzawajal. Tafadlal Inch'Allah, maintenant on passe dans l'autre programme. Moi et moi, le premier Inch'Allah Ta'ala, qui s'appelle anti-takfiri. Naam. Tafadlal. Salam alaykoum wa rahmatullah. Cher, faut dérider la personne déjà sur le salon, sur Ichata, Inch'Allah. Naam, Inch'Allah, anti-takfiri, tu n'as pas le raid. Ou bien tu prends le micro, ou bien si ta question est prête, tu l'écris, Inch'Allah Ta'ala. Fazza. Salam alaikum, Cheikh. C'est un plaisir pour nos cœurs de vous retrouver. Ma question concerne le qadar. Je souhaite savoir quand il nous arrive quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on se plaint, comment faire tomber un verre. Et je me plains. Est-ce que c'est comme si je me plaignais d'Allah? Ou ça n'a rien à voir? Voilà la fin de la question, Cheikh. Tfaddal. Mashkour. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à mes frères, jazakumullah khairan, pour ceux qui sont contents de m'avoir retrouvé. Il en est demain pour moi, Inch'Allah Ta'ala. Pour dire que je n'ai pas très bien compris la question, je réponds, Inch'Allah Ta'ala, d'après ce que j'ai compris. Quelqu'un, par exemple, va boire un verre, ensuite le verre tombe et se casse. Naam. Il a dit, est-ce que quand on se plaint, c'est comme si on se plaignait à Allah Azza wa Jal. C'est comme si je me plaignais d'Allah Azza wa Jal, d'Allah. Naam. La sunna, la sunna ou jama'a aussi, quand un malheur nous arrive, Qu'est-ce qu'on dit? On dit qaddara Allah wa ma sha fa'al. Qaddara Allah wa ma sha fa'al. Si le malheur est grave, on dit Allahumma ujurni fi musibati wa khlifni khayran minha. Donc si on a tombé le verre là, on sait que cette chose était écrite, ça fait 50 000 ans, et que je devais par conséquent faire tomber le verre. Je peux aussi attacher ça avec quoi? Avec mes actions précédentes, avec les péchés que j'ai faits. Pourquoi? Se basant sur le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit, dans un hadith authentique bien sûr, porté par Cheikh Al-Albani, les anciens de vous et les anciennes le connaissent, où il est dit que quelqu'un avait rencontré une femme dans la rue, et comme ça, en commençant à parler avec elle, il a mis sa main quelque part sur son épaule, ou sur sa main ou là, elle lui a fait un geste comme ça, et elle lui a dit, tout ça c'est fini maintenant, et c'est l'islam, parce qu'elle était autrefois une fille de joie, elle lui a dit, maintenant c'est terminé. Al-Muhim, lui, quand il l'a quitté, et il rebroussait ses chemins, il marchait, mais toujours en regardant vers elle. Et il s'est cogné la tête contre un mur. Il a eu tellement mal qu'il est allé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dire voilà ce qui m'est arrivé. Ce qui a rapport avec le dars, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit tu es un homme que Allah azza wa jal aime. Et en ce sens. Allah aime, lui aime le bien. Car quand Allah ta'ala veut à quelqu'un du mal, il le laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre avec. Donc, quand quelqu'un, ça lui est arrivé un malheur, c'est quelque chose de bien pour lui. Car Allah Ta'ala a voulu en fait, quoi? A voulu, yani, qu'il le châtie ici. Regardez cette personne, s'il cogne seulement la tête, c'est mieux que d'être jeté en enfer. Se cogner la tête, et comme ça une petite boule sur la tête, et un peu de sang sur la tête, c'est mieux que de se trouver en enfer. Ensuite, cette personne, pourquoi elle s'est cognée la tête? Parce que il a touché la femme qu'il ne devait pas toucher. Donc, il a fait le péché. Donc, la même chose ici, le verre est tombé, il s'est cassé. Si c'est quelque chose que j'aimais, que je voulais boire, donc sûrement que j'en étais privé à cause d'un péché. Et aussi, il faut voir autre chose. Et des fois, c'est parce que c'est mon pur bien. Allah Ta'ala sait que si je vais boire cette chose, par exemple, elle va me faire mal, c'est qu'elle ne me convient pas, c'est que si je la bois, peut-être que, par exemple, elle contenait quelque chose que je ne savais pas, un poison, etc. Allah Ta'ala a voulu faire tomber le verre pour mon bien. Al-Muhim, à chaque fois qu'il y a un malheur, le vrai musulman doit dire, quoi? Qaddara Allahu ma sha fa'al, et il se dit dans son cœur, comme a dit le messager d'Allah, Amrul mu'min kullu khayr. Tout ce qui arrive aux croyants, c'est du bien. Qu'ils connaissent le bien ou qu'ils ne le connaissent pas. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal, inshallah, le prochain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Donc, c'est la question de Najmuddin. Je l'ai déjà en PV. Donc, il dit j'ai une question sur une aqidah spécifique. Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est la aqida d'Eobandia? Jazakumullah khairan, qu'Allah vous préserve. Cette question donc a été donc c'est le frère Abdallah 15 qui en a parlé dans un rappel dernièrement concernant les talibans qui avaient soi-disant la aqida d'Eobandia. Je répète la question dès le début. Donc le frère Najmuddin donc de une aqida spécifique. Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est la aqida d'Eobandia? Jazakumullah khair. Et donc il dit que donc le frère Abdallah 15 en avait parlé dans un rappel concernant les talibans. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Voilà, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En vérité, cette aqida, je ne la connais pas dans ses détails. Mais je veux dire en général que la aqida des gens qui habitent déjà dans ces environs là-bas, c'est une aqida mêlée de soufisme et pleine d'innovation. C'est une aqida où il est question de de tombe et de soufisme, mais le très mauvais côté du soufisme, l'âme. Ou yani, il a référence à tourner autour des tombes et yani, vénérer les morts et des choses pareilles. Et des choses pareilles, l'âme. Mais yani, dans ces détails, je ne la connais pas. La sœur Atika ou le frère, je sais pas, c'est à vous, Inch'Allah. Posez votre question, Inch'Allah, sur le tableau, Bi'idhnillah. Si vous n'avez pas de son, sortez du salon et revenez, Inch'Allah. On va vous déraider, Inch'Allah. Voilà, donc la question ne concerne pas la Aqida. On passe au suivant, Inch'Allah. Oumariem 14, à vous, Inch'Allah. Posez votre question sur le tableau. Donc, si la question est terminée, vous mettez 1, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, la question, cher, c'est donc la sœur Oumariem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Pouvez-vous nous éclaircir sur les trois sortes de peurs? Yani le khawf. Barakallahu fikum. Voilà, cher. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, je remarque que je ne suis plus sur le hadek Ichater hadek. Il s'est fermé de lui-même. Je ne sais pas chez vous s'il est ouvert ou pas. Et si en même temps, même si le mien n'est pas ouvert, est-ce que c'est possible que vous m'entendiez? Le serveur est tombé, non, mais il n'y a pas de serveur ici. Est-ce que ça veut dire vous m'entendez? Est-ce que ça veut dire il est ouvert là-bas ou il n'est pas ouvert? Non, j'attends votre réponse. Non, il n'est pas ouvert. Pour répondre à la sœur, je dois lui dire d'abord si elle peut me rappeler quelles sont les trois. Quelles sont les trois sortes de peurs. Moi, je me rappelle maintenant de deux sortes. Si elle peut me rappeler la troisième sorte, je lui expliquerai. Il y a la peur, hein? Il y a la peur d'Allah Azza wa Jal. Il y a la peur naturelle. La peur naturelle. La troisième, je ne me rappelle pas, c'est laquelle. Si elle peut nous rappeler, j'expliquerai, Inch'Allah ta'ala. Fadda. Donc la sœur dit, cher, la peur de la prédication. Yani dawa, yani dawa, le khawf. Elle dit donc la peur de la prédication à cause du mal des gens. Yani da'i khawf min an-nas. Pour dire que je n'ai pas compris la peur de la prédication. Vous voyez, la peur pour Allah subhanahu wa ta'ala, si je peux demander, il y avait un chapitre qui est venu au Rama, plus on ne m'a pas rassé aucun plus, on a peur de lui, plus on a peur de lui. Plus on a peur de lui, je disais la peur d'Allah Azza wa Jal, c'est une peur demandée. Plus on a peur d'Allah Azza wa Jal, et plus on a de science. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit « Nama yakhshallah min ibadihi al-ulama » C'est-à-dire que ce sont les savants qui ont peur d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui est jahil, il ne va pas avoir peur. Mais si vraiment il connaissait Allah Azza wa Jal, il aurait eu peur de lui. Avec la remarque que, quand on a peur d'Allah, on ne le fuit pas. Mais on fuit vers lui. « Fafirru ilallah » Vous avez remarqué, quand on a peur d'une personne et du policier, on le fuit pour qu'il ne nous rattrape pas. Mais Allah Ta'ala, quand on a peur de lui, on fuit vers lui. C'est vers lui qu'on fuit pour nous protéger. Subhanallah al-Azim. Il y a la deuxième peur, la peur normale, la peur naturelle. Quand on voit un serpent, on a peur. Quand on voit un lion, on a peur qu'il nous morde. Voilà. Il y a la troisième peur, je ne la connais pas. Elle a dit de la prédication à cause du mal des gens. Non. Je n'ai pas compris exactement ce que ça veut dire ça. À cause du mal des gens. Je ne comprends pas ça. Non. Si c'était en arabe, là, je l'aurais dit. Fadal, Inch'Allah. Je pense que la sœur veut dire tout simplement que quand les gens ils font dawa, elle a peur pour sa vie. C'est-à-dire que donc elle peut se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de. Il y a que des sectes. Ou alors une secte, et ça peut, ils peuvent peut-être nuire à la personne, soit, le, soit la tuer ou alors soit lui faire du mal. C'est ça la peur en fait par rapport à ça. Allahu alam. Je pense la sœur Alida pourrait confirmer si c'est ça ou pas. Donc, si je comprends bien, elle a dit la prédication. Donc, elle parle seulement de ceux qui font la dawa. Elle parle pas des gens en général. Elle parle de la peur que peuvent ressentir les gens qui font la dawa. Si c'est comme ça, je lui réponds que quand quelqu'un fait la dawa et quand il a peur, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'arrêter un certain temps. D'arrêter un certain temps jusqu'à ce que la peur se dissipe. Naam. Jusqu'à ce que la peur se dissipe. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, a vu quoi? A vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on était en train de l'agresser. Les kuffars étaient en train de l'agresser, en train de lui mettre des saletés sur sa tête lorsqu'il s'était prosterné, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud, qui est un compagnon, Jalil, et qui aime beaucoup le messager d'Allah, c'est sûr, plus que nous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi, si j'avais pu, j'aurais fait quelque chose, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, pourquoi? Ici, c'est les kuffars, ils sont à la Mecque, ils sont tous armés, ils sont des milliers, lui il est seul. S'il va pour aider le messager d'Allah, il risque sa vie. Il a dit, Wallahi, Allah, j'ai pas pu, je peux pas. Non, c'est une peur, non, il a une peur. Une peur naturelle. Naam, ça t'est permis, Allah Ta'ala dit, wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Je crois, Inch'Allah Ta'ala, que c'est comme ça. Wallahu Ta'ala alam. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Je dis au frère Ammar, qui est avec nous, quand il a quelque chose à dire ou à ajouter ou là, il tfadla, Inch'Allah Ta'ala. Abu Zainab 1, Inch'Allah, c'est à vous. Vous avez plus le raid, donc Inch'Allah, postez votre question sur le tableau, Inch'Allah. Abou Zainab 1, vous êtes avec nous, Inch'Allah. On passe au suivant, Inch'Allah. Donc, d'accord. Ibn al-Qayyim, vous l'avez envoyé à Ibn al-Qayyim? D'accord. Akhi Abou Salman, Inch'Allah, tfaddal. Avec la question, Inch'Allah. Je te laisse le micro, Inch'Allah, si tu veux lire la question. Barakallahu Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question de Abu Zainab, c'est Salam alaikum, Cheikh, Hafidakallah. J'aimerais avoir une précision sur les deux voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit à chacun d'entre nous. Deux voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit chacun d'entre nous, ces deux voies, Najdain, rentrent-elles dans le qadr, volonté divine? Est-ce que la volonté humaine choisit l'une de ces deux voies, bien ou mal, paradis ou enfer, par rapport au hadith prophétique qui se trouve dans le hadith de Nawawi, chacun d'entre nous est conçu dans le ventre de sa mère sous forme d'une goutte de sperme pendant 40 jours, etc. Jusqu'à condition heureuse ou malheureuse, paradis ou enfer, afidna Sheikh, wa barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib. En ce qui concerne le ghuraba, inshallah ta'ala, n'oublie pas ce qu'il y a dans la bannière de le copier comme ça, pour ne pas le répéter à chaque fois, de copier comme ça. Seulement tu changes le numéro des doros et les horaires, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, la fois passée, je vous avais dit de me rappeler certaines choses que j'ai oubliées maintenant. De me rappeler, de dire dans le salon des choses que l'arabe, j'ai oubliées maintenant. Naam. Ce que je me rappelle maintenant, c'est de vous dire avant de répondre à la question que là où j'habite, la connexion est un peu délicate. Dans le sens où à chaque fois qu'il y a une grande pluie et surtout le tonnerre, il n'y a plus trop de connexion. C'est pour ça que je suis resté la fois passée 8 jours sans connexion. C'est-à-dire que, Inch'Allah Ta'ala, les doros seront chaque samedi et chaque mercredi. Et bientôt, Inch'Allah, le lundi, seulement en arabe. Mais des fois où vous ne me voyez pas connecté, c'est-à-dire que il y a eu des pluies ou bien le tonnerre. Et on attend comme ça, et pour un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas combien, jusqu'à ce que il répare. Autre chose, Allah Azza wa Jal nous a créé, nous a donné une raison et nous a laissé choisir librement l'un des deux chemins. Un chemin qui mène au paradis, un chemin qui mène en enfer. Naam. Si quelqu'un choisit le chemin du paradis, Allah Ta'ala, de par lui-même, va aider cette personne alors qu'il n'est pas obligé d'aider cette personne. Car Allah Ta'ala t'a demandé seulement d'essayer de suivre ce chemin pour ton bien, pour aller au paradis. Mais il n'est pas obligé de t'aider. Mais malgré cela, Allah Ta'ala aide. Pourquoi? Il aime les croyants, il aime les véridiques, il aime les patients, il aime les adorateurs, il aime les purs, il aime. Naam. Si maintenant l'autre, ou là une autre personne, ou là cette personne, va choisir l'autre chemin, le chemin qui mène à qui? Qui mène à l'enfer, Allah Azza wa Jalla aussi va te laisser. Va te laisser dans ce chemin. Il va te donner dirais-je, comment dirais-je, attendez, comment on dit, quelques avertissements, pour que tu reviennes, que tu lâches ce chemin, tu reviennes vers le vrai. Il te donne comme ça des avertissements, des maladies, des accidents, des ceci, à chaque fois pour que tu reviennes. Voilà, ya alladhina kafaru, annahum, comme a dit Allah Azza wa Jal, annahum yuftanuna fi kulli amin, marratan ou marratayn, thumma la yatubun, wa lahum yadhakkarun. Allah Ta'ala dit dans le Coran, alors les kuffars ne voient-ils pas que chaque année, une fois ou deux fois par an, je leur donne des fitnas comme ça, pour qu'il raisonne et pour qu'il revienne. Regardez, même le kafir, Allah Ta'ala, lui donne des choses comme ça, des grands signes, pour qu'il commence à raisonner et il revienne. Donc s'il donne au kafir, il y a un nez, que sûrement il va donner au croyant qui a dévié le chemin. Car Allah Ta'ala aime le croyant. Et il ne veut pas qu'il dévie et il aille en enfer. Donc je disais que, Alhamdoulilah, Allah Ta'ala t'a donné libre cours pour choisir. Mais seulement, à chaque fois que tu choisis le bien, sache que c'est lui qui t'a aidé. C'est lui qui t'a aidé. À chaque fois que tu choisis le mal, c'est toi qui l'as choisi, c'est le shaitan qui l'a choisi, et c'est ton nafs, ta mauvaise nafs qui l'a choisi. C'est pas Allah Azza wa Jal. Non, Allah Ta'ala n'aime pas et ne veut pas que tu sois dans ce chemin, et il fait des choses même pour te faire sortir de ce chemin. Maintenant, si toi tu veux continuer, alors il te laisse, mieux encore, il t'ouvre encore le chemin. Il t'ouvre même le chemin là qui mène à l'enfer. Et il va laisser le shaitan qui va te l'embellir jusqu'à ce que tu crois que tu es vraiment dans le vrai chemin et dans le chemin qui vraiment mène à Allah, et tu vas te trouver éternellement en enfer. Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de contradiction entre les hadiths. Allah Ta'ala sait, avant d'envoyer l'ange dans le ventre de la femme, de telle femme, il sait cette personne où elle va aller. C'est pour ça qu'il y a l'ange écrit que cette personne sera heureuse et qu'elle sera, par exemple, au paradis. Pourquoi? Parce qu'il sait, avant de l'avoir créé, où il va aller. Et il y a l'autre écrit que ce bébé va aller en enfer. Pourquoi? C'est pas parce que Allah Ta'ala va le forcer pour qu'elle aille en enfer. Jamais. Allah Ta'ala voudrait que tout le monde aille au paradis. Mais il sait que cette personne n'aime pas le chemin d'Allah, et cette personne aime les shahawat, aime les passions, aime le haram, aime le kofr, aime ceci. Il dit alors, puisqu'il veut comme ça, alors écris-lui qu'il va aller en enfer. Naam, c'est parce qu'il n'a pas forcé. Mais c'est parce que, naam, il a écrit ce que cette personne allait faire, c'est tout. C'est pour ça que, ici vient le hadith que la personne sur laquelle Allah Ta'ala a écrit, parce qu'il savait qu'elle allait en enfer, même si elle fait tout, elle fait toutes les adorations, naam, s'il reste 1 minute, elle va quoi? Elle va se renverser et aller en enfer. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala ne se trompe jamais. il a su que cette personne allait en enfer et a écrit qu'elle allait en enfer parce qu'il savait que même si elle faisait des adorations, etc., c'était seulement aux yeux des gens. Mais que va arriver la minute ou bien le jour ou bien la semaine où elle va se renverser pour faire le coffre et aller en enfer. C'est la même chose pour celui qui va au paradis. Quand Allah Ta'ala a su que cette personne va aller au paradis, même si elle va faire le coffre, elle va faire la zina, elle va faire. Naam, Allah Ta'ala a dit quand même aux anges, écrivez qu'elle va aller au paradis, car je sais ce que vous ne savez pas. Naam, pour vous, elle va faire le coffre, etc. Mais moi, je sais que une heure avant de mourir ou là, elle va tout regretter et elle va demander pardon, etc. Donc, elle ira au paradis. Wallah Azza wa Jal, a'lam. Tafadhal, inshallah, le suivant. C'est la question donc d'Abou Zineb de tout à l'heure, Abou Zineb 1. Donc, il dit deux voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, cher, on vous a entendu, on vous a entendu. Donc je recommence la question. Deux voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, deux voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala à chacun d'entre nous, c'est deux voix. Ah, c'est pas la même chose. Donc deux voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit à chacun d'entre nous. Ces deux voix Nejdain rentrent-elles dans le qadar, la volonté divine? Est-ce que la volonté humaine choisit l'un de ces deux voies, bien ou mal, paradis ou enfer, par rapport au hadith prophétique qui se trouve dans les 40 hadiths de Nawawi? Chacun d'entre nous est conçu dans le ventre de sa mère sous forme d'une goutte de sperme pendant 40 jours, etc. Il a akhir le hadith jusqu'à condition heureuse ou malheureuse, paradis ou l'enfer. Afidna ya Sheikh, barakallahu fikum. Voilà. Non, vous venez juste de répondre à, j'allais dire, vous venez juste de répondre à cette question-là. Donc au prochain, inshallah, Tlemcen 13, donc de la ville de Tlemcen, je suppose. Posez votre question, inshallah. Afoun, c'est au frère Guigui, 83 460. Donc, alors je sais pas s'il a le raid. D'accord. Vous avez plus le raid, Guigui, 8000, ou la 83 460. Je vous laisse poser votre question. Ouais, j'ai la question, inchallah. Donc voilà. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour savoir, il y a des conférenciers qui vont venir où j'habite en France, dans le sud, et ils sont de Belgique, ils s'appellent Mustapha Krastit. Et ça, c'est pas une question sur la Aqidah, donc voilà. Subhanallah. Vous savez très bien qui c'est, ces gens-là, donc inchallah. Cheikh, je vous laisse répondre, inchallah. Je vais poser la question, vous me dites si c'est bon ou pas. Hein. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour savoir, il y a des conférenciers qui vont venir où j'habite en France, dans le sud, et ils sont de Belgique, ils s'appellent Mustapha Kastit et Rachid Adache. Pour savoir si vous avez des renseignements sur eux, parce que des frères de confiance m'ont mis en garde sur leur minhaj. Et donc ces frères-là, ils sont de Al-Sunnah al-Jama'a ou pas. Barakallahu fikoum. Salam alaikum, Cheikh. Si vous savez pas, peut-être Amar de Médine le sait, Inch'Allah. Voilà, Cheikh, je vous laisse répondre. Barakallahu fikoum. Naam, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour dire que c'est la première fois que j'entends ces deux noms. Peut-être que notre frère Ammar, qui lui-même est français, connaît ces gens. Naam. Parce que c'est la première fois que j'entends ces deux noms. Ensuite, je dis à cette personne, si les gens qui t'ont mis en garde, ce sont des gens de science et d'Al-Sunnah al-Jama'a, je vois pas pourquoi on ne va pas les croire. Naam. Ce sont des gens qui ont du ilm, qui disent pas n'importe quoi. Qui en même temps, sont connus, qui sont Al-Sunnah al-Jama'a. Donc, dans ce cas, ils ne sont pas fous pour mettre en garde contre quelqu'un qui est d'Al-Sunnah ou Jama'a. Mais c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala, si le frère Ammar, Inch'Allah Ta'ala, les connaît, qu'il nous apprenne cela, Inch'Allah Ta'ala. Autre chose, Inch'Allah Ta'ala, ces deux personnes ont dit quiconque dit que les tablighs qu'on font contre Al-Sunnah ou Jama'a sont des intégrés. Ces deux personnes ont dit que quiconque dit que les Tablir et Ikhwan font pas partie d'Al-Sunna ou Jama'a, sont des intégristes. Non, qui les deux personnes? Hadou les conférenciers, Ibn al-Qayyim. Les conférenciers, on dit comme ça. Donc les conférenciers qui vont venir donner des conférences, mashallah, disent que les Tablir et les Ikhwan font partie de Al-Sunna ou Jama'a. Non, ça se voit donc, c'est pas la peine d'aller loin. Ça se voit que ces deux conférenciers, naam, eux-mêmes ne font pas partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Voilà, c'est pas la peine d'aller loin. Autre chose, je voudrais dire que les gens qui ont, puisqu'on a parlé de Belgique, les gens qui font la dawah en Belgique et qui ont l'habitude d'aller là-bas et d'écouter les ulama, savent qu'on a un frère qui s'appelle Abu Sawsan, un frère de Belgique qui s'appelle Abu Sawsan et qui yani assiste presque tout le temps à nos cours et qui mashallah yani a cette faveur que là que yani il fait beaucoup d'efforts pour faire venir des ulama, faire venir des ulama, des savants de France en Belgique, car vous savez que la Belgique c'est peut-être le lieu le plus pourri en ce qui concerne les takfiriyoun. Non, les takfiriyoun j'allais dire, ils sont créés là-bas. Non, c'est de là-bas qu'ils sortent et que leur nid, c'est là-bas leur nid et ils se dispersent dans le monde. Que Allah Ta'ala nous préserve de la Belgique et des takfiriens de la Belgique. Non, pas de la Belgique elle-même, des takfiriens de la Belgique. Car il y a Inch'Allah Al-Sunnah. Et notre frère Abu Sawsan fait beaucoup d'efforts pour ramener des gens là-bas pour contrer cela, pour contrer les takfiriens et les shayatines et les autres. Al-Muhim. Le père de ce frère, naam, a beaucoup de difficultés financières car il est tombé malade, il est à l'hôpital, etc. Il a besoin, Inch'Allah Ta'ala, de votre aide pour rembourser les frais médicaux. Naam. Vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, voir cela avec détail sur le site. Naam. Dans le site, vous pouvez voir, il y a une page où on parle de cela, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Prochaine question. Alors, donc le frère Tlemcen 13. Salam alaikum, Cheikh. Une personne musulmane qui dit ou fait un acte de grande mécréance, puis fait taouba, repentir. Alors, doit-elle faire un rousl, grand lavage, pour devenir musulmane? Barakallahu fikoum. Ça, c'est une question de fiqh, mais bon, c'est peut-être important. Juste pour revenir à Kostet et d'autres. Ils sont connus en Belgique, c'est des gens qui appellent donc au takfir. Si des frères ont déjà conseillé, c'est pas pour rien. Ils sont connus, il suffit d'écouter leurs cours, leurs fameux cours, hein, leurs CD. Et là, vous avez toutes les informations. Voilà, jazakumullah khair, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, quand quelqu'un fait un acte de grande mécréance, par exemple, il insulte l'islam, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous préserve, il est sorti de l'islam. Pour qu'il revienne, il doit refaire, comme vous savez, shahada de nouveau. Et en ce qui concerne le rousl, il y a une divergence ici. Parce que, en devenant kafir, mais entre temps, s'il est revenu vite, il n'a pas fait, il n'était pas en janaba, etc. Non. C'est pour ça qu'il y a une divergence. Mais s'il était kafir, un kafir qui veut rentrer en islam, il doit faire le rousl, comme demander le messager d'Allah à ceux qui rentrent en islam d'aller se laver, certains avec de l'eau et du cidre. Maintenant, s'il est musulman, il est sorti, il est revenu de l'islam, il y a une divergence entre les savants. Et s'il le fait, c'est mieux. S'il le fait, c'est mieux, bi'idhnillah ta'ala. Naam, tfadla. Voilà, donc, Mariam 831, Inch'Allah, c'est à vous. Je vous ai enlevé le raid. Hein. Allez-y, posez votre question, Inch'Allah. Donc, j'ai la question de la science, Inch'Allah. Alors, donc, salam alaikum. Quelle est l'explication approfondie de ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, Barakallahu fikum. Alors, je vous laisse le micro, inchallah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Pour le Jabbar, n'am, pour le Jabbar, il y a, inchallah ta'ala, plusieurs, disons, plusieurs réponses, n'am, des savants. Certains ont dit que le Jabbar, c'est quand, par exemple, la personne est, par exemple, atteinte d'un malheur, etc., Allah Azza wa Jal yajbourouha. N'am, Allah Azza wa Jal, disons, il la réconforte, etc., dans ses malheurs, yajbour. C'est comme que lorsque quelqu'un, par exemple, il a le bras cassé, il met le plâtre. Hein, pourquoi il met le plâtre? Pour que son bras et son os, yani, reviennent à sa place. Naam. Qu'Allah Azza wa Jal voit qu'une personne, surtout incroyant, qu'il a eu des problèmes, etc., Allah Azza wa Jal, il est au Jabbar. Yani, il l'aide à se relever de ses peines et de sortir de ses malheurs, etc. Et il y a le deuxième sens où il est dit que le Jabbar, par rapport aux ennemis, etc. Yani, dans ce bas monde avant l'autre, yani, il les châtie. Il est le plus haut. Il est le plus haut. C'est lui qui est le dominant. C'est lui. Yani, il les domine. Il est contraint à abdiquer. Nam. Il leur casse, comme on dit, le dos. Nam, à chaque fois. Jusqu'à ce que yani ils abdiquent. Naam. Quant à l'orgueilleux, naam, mutakabbir, il est dit que yani c'est celui qui yatakabbar an fi'li su. Allah Azza wa Jal est au-dessus du fait de faire par exemple du tort ou bien de faire des choses qui sont pas bien. Mutakabbir, yani yatakabbar an fi'li su. C'est pas comme yatakabbar chez nous. Celui qui fait le takabbur, il va aller en enfer, l'orgueilleux. Non, quelqu'un, il n'y a pas, comme dans le hadith sahih, quelqu'un qui a un atome d'orgueil, il ne va pas entrer au paradis. Mais chez Allah Azza wa Jal, l'orgueil, ce n'est pas comme notre orgueil. C'est l'orgueil de ne pas faire le mal, et de ne pas faire le tort, et de ne pas yani, faire les choses qui ne sont pas bien. Il ne fait que le bien, bi'idnillah ta'ala. Non, tfaddal. Salama 57, Inch'Allah, c'est à vous. Posez votre question, Inch'Allah. En l'ordre de... D'accord. Donc, salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pouvez-vous expliquer, Allah est pudique, est-ce un nom d'Allah Ta'ala, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Voilà, jazakum Allah khair, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam. Moi aussi, inshallah ta'ala, je suis content de vous revoir. Et hayyakoum Allah jami'an. Naam. C'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Naam. Allah Azza wa Jal hayy. Comme dans le hadith sahih, hayy, sittir hayy. Allah ta'ala est pudique au point que si quelqu'un lève les mains pour faire les doigts, Allah Azza wa Jal est pudique au point où il ne peut pas lui rendre les mains vides. Il dit, puisqu'il a levé les mains comme ça à cause de moi pour m'implorer, naam, je sens que naam, je dois, yani, Allah Azza wa Jal se dit, yani, je lui donne sa chose, je lui donne sa chose tellement Allah Ta'ala est pudique. Il ne peut pas laisser une personne les bras comme ça levés et il ne lui donne pas sa chose. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Il y a une personne qui lève la main dans le iChatter. On donne, Inch'Allah ta'ala, la question à Abu Abdelaziz, tafadl. On t'enlève le rouge, Inch'Allah ta'ala. Tafadl, Abu Abdelaziz, si tu veux prendre le micro, tafadl. Sur Paltok, on n'entend pas, Cheikh, donc il faut quelqu'un qui prenne le micro et le fasse passer aussi. On n'entend pas ici sur Richater, là. Tafadl, on passe donc au Paltok, on passe au suivant, Inch'Allah. Donc c'est théorie, Inch'Allah. Donc on va, Cheikh, je vais demander au frère de nous passer la question, parce qu'il est encore sur le salon. Donc le frère théorie dit, salam alaikum, Cheikh, hayyakum Allah. Que faut-il faire en premier, la hijra ou le pèlerinage? Il y a un hajj, barakallahu fikum. Donc Cheikh, si vous jugez que c'est pas la peine de répondre, dites-le moi, Inch'Allah. Donc Qayyim, le micro s'il te plaît. Voilà, là-bas, donne-moi le micro, s'il te plaît. Taïb, Parce que il y a Wesmo, l'air qui est en train de poser sa question sur Ichater. Tfadlal, l'air sur Ichater, tfadlal. Abou Abdelaziz. Ibn Mohammed dans le salon Hichat. Muslim, Mohamed. Taïb, Ibn Mohammed dans le salon Hichat. Ibn Mohammed, tu m'entends? Ibn Mohammed, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, écris hein, Ibn Mohammed. Naam. Ibn Mohammed, est-ce que tu as entendu la question de Abu Abdelaziz? Est-ce que tu as entendu sa question? Pas du tout, ah, voilà. C'est que son micro n'est pas bien. Mousselem, alhamdoulilah, si tu as entendu sa question, dis-la nous, inchallah. Je t'enlève le rouge. Parce qu'il a un très mauvais micro. Tfadal, Mousselem. Est-ce que vous m'entendez sur iChat? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Tayyib. Quand quelqu'un vit et est né dans un pays de coffre, il faut voir d'abord le pays de coffre là. Est-ce que c'est un pays des gens, le coffre? Parce qu'il y a coffre et coffre. Est-ce que c'est le coffre des gens du livre ou bien c'est le coffre des athées? C'est le coffre des athées, comme la Russie, comme le... Et puis, d'où on ne croit pas en Allah Azzawajal. Naam. Ce n'est pas permis, yani, de manger leur viande sans aucune divergence. Maintenant, si c'est un pays, où le coffre vient de quoi? Vient de El-Kitab, ce sont les gens du livre. Par exemple, c'est un pays de juifs ou bien de chrétiens. Dans ce cas, les savants ont dit, on va appliquer le hadith qui dit le halal bayyin ou le haram bayyin ou bayyinahuma mutashabihat. C'est-à-dire, si on voit le chrétien ou bien le juif, on le voit égorger devant nous la chose. Naam. Alors elle est à 100% halal. Halal bayyin. Maintenant, si on ne le voit pas, pardon, maintenant, si on le voit étrangler la chose, il prend par exemple la poule, il l'assomme. Ensuite, il l'ouvre, etc. Donc, ici, le haram ou bayin. Haram ou bayin. Et maintenant, si on ne sait pas, est-ce qu'il a égorgé comme veut la charia, il n'a pas égorgé, bainahuma mutashabihat. Il est permis de manger diyanatan, il vaut mieux ne pas manger tawarruan. Tawarruan. Mais comme ça en français, etc., il ne faut pas faire confiance, il faut dire la vérité. Non, il ne faut pas faire confiance. Il y en a des gens qui n'ont pas de dîn, ils écrivent n'importe quoi pour vendre leurs choses. C'est pour ça qu'il a été prouvé plusieurs fois qu'ils ont trouvé écrit comme ça sur des poissons, il y a ni halal. Sur des poissons, ils écrivent comme ça, halal, halal mazbouh, égorgé halal. Non. Mais comme en France, ils tuent avec l'électricité, ils tuent avec n'importe quoi, et ils disent c'est halal. Non. Si tu connais pas le boucher, tu connais pas la personne, que c'est quelqu'un de terre, de fiable, etc., il vaut mieux t'éloigner, inshallah ta'ala, mange le poisson, mange des pommes de terre, pour que ta vie va vite finir, et inshallah ta'ala, tu mangeras toutes les meilleures choses du monde qui t'attendent dans le paradis. Faut juste y aller, patienter un peu, bi'idhnillahi subhanahu wa azzawajal. Naam. On inshallah ta'ala, dans les 5 dernières minutes, atfadl, je vous donne le micro. Donc, je répète la question, je la répète, celle de Al-Athawri. Salam alaikum, Cheikh, donc, hayakum Allah. Que faut-il faire en premier, l'hijra ou l'hajj? Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, je pense avoir répondu plusieurs fois à cette question. Ça, j'ai dit, Inch'Allah ta'ala, si quelqu'un voit que le hajj est arrivé, alors il se base sur le hadith du messager d'Allah, alayhi sallam, où il a dit qu'il ne faut pas retarder le hajj, car il a dit qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver et nous entraver, et on ne va plus jamais au hajj. Le hajj, c'est une occasion en or qui t'est arrivée, ne dis pas, khalni, je vais faire la hijra, ensuite je vais au hajj. Là, si c'est le moment de t'inscrire, inscris-toi et prépare-toi pour y aller. Naam. Maintenant, si le hajj est loin et tu as les moyens de faire la hijra, commence par la hijra. Ne dis pas aussi, Khali, je ne vais pas faire la hijra à cause de je vais aller au hajj. La hijra est obligatoire, fais-la. Ensuite, si de l'autre pays où tu as fait la hijra, tu peux faire le hajj, Allahumma barak. Si tu ne peux pas, tu es pauvre ou tu n'as pas les moyens, Allah Azza wa Jal ne va pas te châtier et te dire pourquoi tu n'as pas fait le hajj. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Sonia, inshallah, c'est à vous. Posez votre question sur le tableau, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Je suis très contente de vous retrouver sur Paltok, alhamdoulilah, et sur Itchater aussi. Est-il permis de broder certains prénoms masculins, qui sont les noms d'Allah Azawajal, sur des serviettes de bain? J'ai vu dans un forum de vente des serviettes de bain sur lesquelles était écrit Al-Aziz, Al-Karim. Et qu'en est-il pour le prénom abrégé Abdel, yani Abd? Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. La sœur qui a posé la question n'est pas avec nous dans le salon. Là, vous remarquez que je remarque qu'elle vient de quitter le salon. Sûrement une déconnexion. Maintenant, inshallah ta'ala, elle est revenue. Tayyib, je disais que d'abord, je dois faire remarquer que le fait que ça soit écrit sur les livres ados, sur les serviettes, Aziz ou bien Karim, ce n'est pas un nom d'Allah Azza wa Jal. Non, le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Aziz, Al-Karim. C'est pour ça que nous, on peut s'appeler. On peut nous appeler Aziz, Karim, Hakim. Non. Et ce n'est pas Al-Aziz ou bien Al-Karim. C'est écrit seulement Aziz Karim. Mais en général, naam, des noms comme ça, on ne doit pas les écrire naam, sur des serviettes. Et puis ces serviettes, on va yani, s'essuyer avec, etc. Naam. De préférence, il faut éviter, inshallah ta'ala. Qu'en est-il pour le prénom abrégé Abdel? Naam. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Mais si quelqu'un veut avoir des récompenses, qu'il dise le vrai prénom. Ou on parle d'Allah Azza wa Jalla. Par exemple, Abdallah, Abdelrahman, comme ça, Abdel Hakim. Il aura des récompenses quand il dit comme ça. Abdel Muhsin. Naam. On ne dit pas Abdel Léon Seuté. Naam. Ça ne se fait pas. Naam, ça ne se fait pas. Ça, c'est pour les prénoms qui ne commence pas par Abdel. Comme par exemple Aïcha. Le messager d'Allah l'appelait Aïch. Naam, Aïcha. Seulement Aïch, sans dire le A. quelqu'un qui s'appelle pas Abd al-Rahman, Abd Keda, on ne dit pas Abd al-Sitou, non, c'est Abd al-Rahman. Comme ça, déjà, le fait de le dire, on a des récompenses, inshallah ta'ala. Non, Wallahu ta'ala alam, tfadzal. Donc la question de Jumoura, enfin Jumoura normalement, je voudrais comprendre comment ces sectes sont sûres d'elles. Ils suivent quoi le Coran? Sur quoi est basée leur religion? La question n'est pas très claire. Et un peu d'adab aussi, salam alaykoum wa rahmatullah déjà. Voilà, je voudrais comprendre comment les sectes sont sûres d'elles. Ils suivent le Coran ou la Sunna ou quoi que ce soit. Sur quoi est basée leur religion? La Jazikir. Voilà. Salam alaikum. J'ai pas compris cette question, inshallah ta'ala. Je voudrais comprendre comment ces sectes sont sûres d'elles. Ils suivent quoi le Coran? Sur quoi est basée leur religion? La Jazikir. J'ai pas compris, mais je réponds. Bon, je réponds d'après ce que j'ai compris. Je dis, bi'idna azawajal, que Naam, ça y est. Explique-moi mieux si tu peux, tfadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez du son, inshallah. Non, en fait, j'ai compris, cher, sa question. Elle veut dire comment il y en a de la source des sectes. Ça veut dire il y en a comment on peut différencier une secte, sur quoi ils se basent. Et moi, il y en a, j'ai dit, c'est comme les Habash. Ils suivent al-Habashi. Ils suivent une personne. Et donc, ils suivent pas le Coran et la Sunna. Il ne suit pas le Coran. En fait, c'est ça sa question. En fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils suivent les sectes. Pourquoi ce sont des sectes. C'est ça, Jumu'a. Naam. Est-ce que vous avez compris, cher Inch'Allah? C'est comme les tablers, ils ont suivi une personne du 20e siècle. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Yani, ils ont suivi les innovations de cette personne. Cher, vous avez compris ou pas? Cher, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Naam. Tfadal, cher. Walaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, en ce qui concerne les sectes, il faudrait que vous sachiez que, qu'on le veuille ou pas, les sectes existeront et seront jusqu'à la fin du monde. Et, qu'on le veuille ou pas, même les musulmans seront des sectes. D'après le hadith du messager d'Allah, que sa umma, sa nation, allait se diviser en 73 sectes. Donc nous les musulmans, et il y a ou bien il va y avoir, hein, au fil des jours, des sectes jusqu'à ce qu'on soit au nombre de 73. 72 de ces sectes, des musulmans, 72 de ces sectes vont aller en enfer. Une seule secte va aller au paradis. Et là, vous allez remarquer que toutes les sectes et tous les musulmans de nos jours vont dire, c'est nous la secte sauvée. C'est nous, la 73e qui va aller au paradis. Et tous les autres, ce sont les 72 qui vont aller en enfer. C'est pour ça, il est donc impératif de savoir sur quoi se baser pour savoir si on est sur la vraie secte, le vrai groupe sauvé, ou là sur la fausse. Car même les fausses sectes, le shaitan va leur embellir leur secte et leur faire croire qu'ils sont sur le vrai chemin. Allah Ta'ala dit dans le Coran, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. La fin de sourate Al-Kahf. Il a dit فريقا هذا وفريق حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدين. Il a dit أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. Donc là, Ta'ala dit dans le Coran que il y a des gens qui sont dans le très mauvais chemin et que le shaitan leur a embelli cette chose au point qu'ils croient qu'ils sont en train de faire de bonnes choses, qu'ils sont dans le vrai chemin. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de l'innovation qui va vous dire, moi je suis un innovateur et je vais aller en enfer? C'est pas possible. Il va vous dire, c'est moi qui suis dans la vraie voie. Parlez au tabléri, il va vous dire, c'est moi la vraie voie, c'est moi le vrai chemin du prophète. Vous êtes des... Et il va te trouver quelque chose, des wahhabites ou bien des... Il va te trouver quelque chose. Parlez au takfiri, il va te dire, c'est moi la vraie voie, c'est le djihad. Vous n'aimez pas le djihad, vous êtes contre le djihad. Vous êtes des... Yani, il va te dire des mourjites. Et comme ça. Naam. Et parlez avec n'importe qui, naam. Il va vous trouver le défaut bidna azzawajal. Donc, comment savoir si on est sur le vrai chemin? C'est ce qu'a montré le messager d'Allah en disant, ceux qui sont sur ma vraie, ceux qui sont, yani, sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui, moi et mes amis, moi et mes compagnons. Pour savoir maintenant si tu es sur le vrai chemin, tout ce que tu fais, regarde, est-ce que les Sahaba l'ont fait eux aussi? Naam. Donc ça suffit pas de dire moi, je suis Coran et Sunna. Tu peux être Coran et Sunna, mais Habesh. À quoi ça te sert? Coran et Sunna, et tu renies les attributs. Coran et Sunna, et tu déformes le sens des versets. Coran et Sunna, et il n'y a rien dans la Aqida. Tu passes ton temps dans la politique. Coran et Sunna, et takfiri. Il n'y a pas une personne qui, de nos jours, un musulman, qui dit pas je suis Coran et Sunna. Mais le Coran et le Sunna, et la Sunna, est-ce qu'il les comprend comme les a compris le messager d'Allah et les compagnons? Ou là, il les comprend comme l'ont compris les Mu'tazilites et les Qadirites et les Kharijites et les Jahmites et les Asharites et les Karamiyyah et les Kullabiyyah et comme ça. Donc, si quelqu'un vous dit moi je suis Coran et Sunna, je suis Alhamdoulilah, Mashallah, mais ça suffit pas. Coran et Sunna, d'après la compréhension de qui? Des selfs ou là des autres? Naam. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire et ce que je veux dire pour aujourd'hui, Bidna Azzawajal. Je dois m'arrêter, il est déjà presque minuit. Et je commence, Inch'Allah Ta'ala, à me fatiguer. Je vous rencontrerai, Inch'Allah Ta'ala, Yom al-Arbi'a, mercredi, dans la personnalité de la femme musulmane. Et là-bas, vous pourrez poser vos questions, Inch'Allah Ta'ala, même si elles n'ont pas rapport avec la Aqida. Même si elles n'ont pas rapport avec la Aqida. D'ici là, je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous préserver des fitnas, nous, nos enfants, naam, et notre famille, nos frères, nos sœurs, et qu'Allah Azza wa Jalla nous guide, et nous ajoute guidés sur guidés, et qu'il nous fait mourir, qu'il nous fasse mourir musulmans, ravis de nous. Et qu'Allah Ta'ala nous éloigne des fitnas du paltok, et des fitnas de la rue, naam, et des fitnas yani, qui sont autour de nous et qui nous étrangle du matin au soir. Et que Allah Azza wa Jal, naam, que Allah Azza wa Jal, faraja alayna, Allah subhanahu wa ta'ala, yufarija anna, wa yunafisa anna hadhihi al-humum wa kurubat, wa yaftah alayna, wa yashfi maradana, wa yarhama mawtana, wa akhir da'wana, an alhamdulillah rabbil alamin. Subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.